L'emprisonnement de la traîtresse Bakune en date du 31 mars est le plus largement et promptement informé par les médias sud-coréens et étrangers. Les radios sud-coréennes CBS et KBS, les journaux Joseon Ilbo, Donghwa Ilbo et Une Nation et l'agence de presse Yonhap News en ont rapporté sous les manchettes détention de Bakune, auteur des vices d'État, troisième ex-président détenu. Bakune, devenu prisonnière au bout de 21 jours depuis sa chute, etc. L'agence de presse Shinnouvelle, l'agence de presse japonaise Kyodo, l'agence de presse américaine Bloomberg, l'agence de presse britannique Reuters, l'agence France Presse, la radio américaine CNN et la télévision centrale chinoise en ont également informé. Les journaux des États-Unis comme Washington Post et Wall Street Journal ont écrit que la décision sur l'arrestation de Bakune est un choc tout frais de ces scandales. Les organisations militantes de toutes les couches sud-coréennes, y compris l'Action nationale extraordinaire pour la destitution du pouvoir de Bakune et les citadins, ainsi que les partis de l'opposition, dont le Parti démocrate de Bulon et le Parti du peuple, revendiquent de condamner Bakune à la peine capitale en faisant remarquer que sa détention n'est pas la fin de la liquidation des vices, mais le début.